Chapitre 8e. Entreprise. Cécile n'eut ni le temps de se repentir, ni celui de faire des réflexions. Outre le trouble de ses esprits et le peu de temps qui lui restait, elle avait réellement trop de choses à ranger pour qu'elle pût se livrer à d'autres considérations. Sa répugnance pour le mensonge était trop grande pour en inventer dans cette occasion. Elle se contenta de dire qu'une affaire de grande importance l'appelait à Londres. Et quoiqu'elle s'aperçût de la curiosité de Madame Harel et d'Henriette, n'ayant pas la liberté de la satisfaire, elle ne chercha point à la repaître de fiction, et les abandonna à leurs conjectures. Elle aurait fort voulu qu'Henriette l'eût accompagnée, mais ce voyage ne pouvait que l'affliger. Elle se contenta donc de prendre avec elle sa femme de chambre, et suivie d'un laquais, elle partit le lendemain matin, quittant sa maison pour aller contracter un engagement qui l'obligerait bientôt à y renoncer pour toujours. Toute désintéressée qu'elle était, sa situation lui paraissait aussi fâcheuse que critique. Dès qu'elle avait été en possession d'une fortune que d'autres auraient regardée comme digne d'envie, elle n'avait plus connu le repos. En vain avait-elle cherché la paix et la tranquillité. Elle avait été la dupe des fourbes et la proie des indigents. La seule consolation qu'elle eût éprouvée avait été de leur en faire part. Et ce n'était que dans ce moment qu'elle pouvait espérer d'être heureuse, précisément lorsqu'elle était sur le point de renoncer à ce que tout le monde envisage comme le souverain bien. Ces réflexions firent place à d'autres encore plus désagréables. Elle se trouvait pour la seconde fois prête à faire une action de la légitimité de laquelle elle n'était point convaincue et dont dépendrait par la suite son repos et sa félicité. Cette action, en elle-même imprudente, clandestine et mystérieuse, la privait de l'héritage d'un oncle qui avait voulu l'enrichir, et était tout à fait opposée aux intentions du père de son époux, dont la désobéissance ne pouvait manquer de lui attirer son courroux. Ces tristes pensées la tourmentèrent pendant toute la route. Elle arriva à Londres et descendit à un hôtel garni de la rue d'Albermale, que Delville lui avait indiqué et qu'il avait eu soin de lui faire préparer. Elle se rendit aussitôt chez Madame Delville. Il était assez indifférent qu'elle fût reconnue des domestiques, puisque leur maître ne devait pas tarder à être informé du véritable motif de son voyage. On la fit entrer dans une salle basse, et pendant qu'on informait Madame Delville de son arrivée, son fils accourut pour la recevoir. Elle vit bien à son air que les choses n'étaient point telles qu'il l'aurait désiré, et apprit, après plusieurs questions, que sa mère était beaucoup plus mal. Extrêmement affectée de cette triste nouvelle, elle commença à se repentir de son imprudente course. Delville s'efforça, en rappelant son propre courage, de remettre ses esprits. Mais lorsque la gaieté n'est pas naturelle, elle se communique difficilement. Tourmenté de peine et de soucis, il n'était guère en état de paraître content et à son aise. On les avertit bientôt que Madame Delville attendait Cécile. Elle la trouva couchée sur un lit de repos, pâle, faible et très changée. Delville la présenta à sa mère en lui disant « Voici, madame, une personne dont la vue vous apportera de la satisfaction et de la tranquillité. » Cette visite, réellement, s'écria Madame Delville, en levant un peu la tête et l'embrassant, ne saurait m'être plus agréable. Vertueuse et noble Cécile, que d'honneur vous faites à mon fils. Avec quelle joie, si je guéris jamais, ne m'empresserai-je pas à l'aider à s'acquitter de tout ce qu'il vous doit. Cécile, affligée de sa situation et touchée de ses bontés, ne lui répondit que par ses larmes. Les yeux de Delville en étaient baignés, et il s'écria avec attendrissement « Voilà une entrevue que mon cœur désirait depuis si longtemps. » La femme que j'avais choisie entre les bras d'une mère que je rêvais autant que je la chéris. Rétablissez-vous seulement, ma chère mère, et j'oublierai toutes les calamités qui ont précédé cet heureux dénouement. » Il dit à Cécile qu'on avait défendu à sa mère de parler et recommandait la plus grande tranquillité, évitant tout ce qui pourrait l'émouvoir, et il la pria de garder avec elle un profond silence. « Ce sera donc votre affaire, » dit celle-ci avec un peu plus de gaieté, « de trouver moyen de nous amuser. » Et si vous voulez vous donner cette peine, nous vous promettons de nous taire. Si je ne trouve pas le secret de vous amuser, je parviendrai au moins à vous obliger à prendre du repos, et alors je serai encore plus satisfait. Mortimer, repartit-elle, est-ce là cette ingénuité que le devoir et l'amitié ont droit d'exiger de vous? Quelle est dans cet instant l'idée qui vous occupe le plus? Ma santé ou le désir de pouvoir vous entretenir librement avec Miss Beverley? Peut-être l'un et l'autre, répondit-il gaiement et en rougissant. « Vous voudriez cependant que l'on crût, reprit Madame Delville, que vous ne pensez qu'à moi seul. J'ai toujours remarqué que lorsqu'un projet avait de différents buts, celui qui est le plus apparent n'est jamais celui qu'on a le plus à cœur. Elle garda alors un profond silence, et Delville s'entretint avec Cécile de leurs plans, de leurs espérances, et de la manière dont ils se conduiraient. Il se proposait, au sortir de l'église, de se rendre en droiture au château de Delville pour faire part de son mariage à son père, et de revenir tout de suite à Londres, où il pria Cécile de rester avec sa mère, afin que, les retrouvant toutes deux ensemble, il ne fût pas obligé de retourner une seconde fois dans la province de Suffolk pour lui dire adieu. Cécile s'opposa sérieusement à ce dernier article, en disant que le seul moyen d'éviter qu'on ne découvrît leur mariage était que, d'abord après la célébration, elle revînt chez elle. Elle ne voulut pas non plus lui permettre de reparaître dans la province de Suffolk, où son voyage ne servirait qu'à retarder celui de sa mère et à l'exposer à des soupçons désagréables. Elle lui promit qu'il aurait régulièrement de ses nouvelles, et comme la faiblesse de Madame Delville exigeait qu'il voyageasse très lentement, elle se fit remettre l'état de sa route, promettant qu'il trouverait une de ses lettres dans toutes les grandes villes où il séjournerait. Il voulut absolument lui laisser le contrat qu'il avait déjà fait dresser, avec les changements que demandait leur nouvelle situation, ayant de la répugnance à mettre dans cette confidence M. Monckton, dont la conduite à son égard lui avait déplu et en qui Cécile même n'avait plus que très peu de confiance. Il avait eu recours, comme auparavant, à M. Singleton, ce même jurisconsulte qui lui avait servi de père pour la conduire à l'église. Mme Delville n'était pas assez bien pour assister à la cérémonie, et Delville n'aurait jamais désiré qu'elle eût bravé aussi publiquement la volonté de son père. Cécile donna alors de nouveaux regrets à la mort de son amie Mme Charlton, dont la présence dans une occasion aussi importante l'aurait rassurée et soutenue. Elle n'avait personne de son sexe à qui se confier, et sentant une répugnance invincible à se rendre à l'hôtel seule avec des hommes, elle accepta les offres de la femme de chambre de Mme Delville, qui se présenta pour l'y accompagner. Cette femme était depuis plusieurs années à son service, sa maîtresse l'aimait et en faisait le plus grand cas. Ces arrangements, ainsi que plusieurs autres qui furent interrompus par les soins qu'ils donnèrent à Mme Delville, prirent toute leur soirée. Delville ne voulut pas, comme l'autre fois, la devancer à l'église. Il la pria d'éloigner ses domestiques entre 7 et 8 heures du matin, temps auquel il viendrait lui-même la chercher. Elle se retira de bonne heure, afin que Mme Delville pût se coucher et elle convint qu'elle ne se verrait pas le lendemain. Cécile, craignant de témoigner trop de faiblesse, s'en allait sans prendre congé. Mais Mme Delville, l'ayant appelé, lui dit « Recevez en partant ma bénédiction. » Et elle ajouta, après l'avoir tendrement embrassé, « Mon fils, comme mon génie tutélaire, prétend avoir le droit exclusif de me conduire. Mais je veux m'affranchir un instant de son pouvoir pour dire à ma chère Cécile le plaisir et le soulagement que mon esprit a déjà reçu de sa présence. Ma plus grande espérance de guérison est fondée sur la satisfaction anticipée que je me promets de pouvoir être témoin de votre félicité mutuelle. Si malheureusement ma maladie avait des suites funestes et que je ne puisse jouir de ce bonheur, je ne suis plus inquiète du sort de Delville, qui était la chose de ce monde qui m'intéressait le plus. Puisse le ciel exaucer les vœux que je lui adresse pour tous deux, car je ne mets plus de différence entre vous. Il y a longtemps que mon amitié me portait à désirer que vous devinssiez ma fille. Aimez-la, Mortimer, comme elle le mérite, et chérissez-la avec la plus vive reconnaissance. Bannissez, chère Cécile, toutes les craintes qui vous agitent, et soyez sûre que vous trouverez en Mortimer Delville un époux qui adorera vos vertus et fera honneur à votre discernement. » Elle l'embrassa encore, et voyant qu'elle était trop affectée pour parler, elle la laissa partir sans en exiger de réponse. Elle se leva le lendemain de très bonne heure, et elle envoya sa femme de chambre chez Madame Hill, donna quelques commissions à son laquais pour des quartiers assez éloignés, et leur recommanda à tous d'être de retour à 9 heures précises. C'était le moment pour lequel elle avait retenu une voiture qui devait la reconduire chez elle. Delville, qui attendait impatiemment leur sortie, dès qu'il les eut perdus de vue, se présenta à la porte. On le fit entrer dans une salle où elle vint sur le champ le recevoir. Et après qu'il lui eut dit que le ministre, M. Singleton et la femme de chambre de sa mère, qui l'attendaient, se trouvaient déjà à l'église, elle lui présenta la main sans parler. Le calme qui suit ordinairement l'espérance trompée prit chez Cécile la place de l'émotion et de la crainte. Persuadée qu'elle ne serait jamais l'épouse de Delville, elle attendait seulement avec une impatience qui tenait un peu du désespoir de voir comment et par qui elle serait encore séparée de lui. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, il la remit à M. Singleton, priant secrètement que ce ne fut pas en vain comme la première fois. La femme de chambre de Madame Delville la suivit, le ministre se trouvait prêt, ils s'avancèrent tous vers l'hôtel. La cérémonie était commencée. Cécile paraissait plutôt machinalement qu'avec réflexion écouter la liturgie. Mais à ces mots, néanmoins, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui sache quelque chose qui doive empêcher ce mariage, et que l'une des parties soit déjà liée avec une autre personne, qu'il le déclare. Delville lui-même trembla de frayeur, craignant que quelqu'un de caché ne répondît. Et Cécile, avec un courage mêlé de crainte, regarda tout autour d'elle, uniquement pour découvrir d'où partira la voix s'il s'en élevait. Heureusement, personne ne parut, et la cérémonie s'acheva tranquillement. La nouvelle épouse reçut après cela les plus tendres remerciements de Delville et les compliments de son petit cortège avant que l'idée dont elle avait été si fortement préoccupée fût assez dissipée pour lui persuader qu'elle était réellement mariée. Delville la conduisit à la porte de l'église où elle trouva une chaise et la suivit de loin, mais voyant Delville dans son appartement, quoiqu'il lui formellement promit de ne pas s'y présenter, la langueur qui s'était emparée de ses sens la quitta. Il n'y était venu que pour lui témoigner combien il était reconnaissant de la grâce qu'elle venait de lui accorder, et lui recommander un million de choses qui intéressaient sa tendresse et son repos. Craignant que ses domestiques ne rentrassent, il s'arracha auprès d'elle et prit le chemin du château de Delville. Cécile ne pouvait encore revenir de son étonnement. Se trouver unie à Delville, être à lui du consentement de sa mère, qui fût son époux sans que son père eût pu l'empêcher, tout cela lui paraissait un songe, mais un songe qu'elle n'aurait pas voulu que le réveil dissipât et qui commença à faire le bonheur de sa vie. Ainsi s'achève le livre 9e et avant-dernier de Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burnet.